Chez Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini, profitez des rabais automnales. Louez le F-150 2019 à 99 $ par semaine ou encore le Ford Escape 2019 à 0% sur 72 mois. Jean Dumas Ford, 1711 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-1316. N'hésitez pas à devenir membre de notre page Facebook pour les différentes promotions. Jean Dumas Ford, là où l'expérience client est inégalée. Tout le personnel et la direction de Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini vous incite fortement à acheter localement pour préserver les emplois de chez nous. C'est demain qu'aura lieu la grande finale de la Coupe du monde de rugby. Je vais te dire, ben avec moi, j'ai pas suivi ça du tout, mais il y en a un au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui a suivi ça beaucoup et qui est probablement un des seuls au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est Pat Bouchard de CKJ. Salut Pat! Salut! T'es-tu levé à 3 à 4 heures du matin pour regarder des matchs? Ben non, on a la joie de pouvoir enregistrer maintenant les matchs. Fait que je les écoutais le matin en me levant sans problème. Et un des problèmes justement de cette Coupe du Monde-là, ça a été justement les tornades. Fait qu'on se levait le matin, wouh, pas de match. Ou bien là, on représentait des matchs qui avaient déjà passé, je comprenais pas trop. Jusqu'à temps qu'on se rende compte justement qu'il y avait eu des matchs annulés. Là. Les matchs qui servaient à rien, disons-le, ont été donnés en nul aux équipes, ce qui est un peu triste pour le Canada qui aurait pu aller chercher à des points importants pour le classement mondial en battant peut-être la Namibie, ce qui était un peu attendu, sauf que là, ça leur donne un match nul au lieu d'une victoire, ce qui est un peu triste pour eux. OK. Dis-moi, le Canada, de la manière que j'ai pu voir ça, ça a été assez difficile, hein? Très difficile cette année. Des mauvaises performances, parce qu'il faut dire qu'il ne fallait pas s'attendre non plus à l'emporter contre des grosses équipes. Malgré tout, on pouvait s'attendre à un peu plus d'opposition de leur part, parce qu'on a déjà donné de meilleures oppositions aux grosses équipes dans le monde. Ça n'a pas été une grosse Coupe du monde pour eux. On a tenté de jouer au pied, je vous en avais parlé avant que ça commence, que le Canada était très... On avait beaucoup de difficultés à jouer au pied, puis ça reste un jeu important de jouer au pied. Puis on l'a vu, ils ont essayé, mais ça a été contre eux autres, puis ça a vraiment été très difficile pour eux, cette Coupe du monde-là. Puis comme je le dis, ben la seule victoire qu'ils auraient pu aller chercher pour ramasser des points sur le classement mondial, ben ça se retrouve nul à cause justement des ouragans. Ça, je trouve ça un peu difficile. Ils auraient pu trouver un terrain à l'extérieur, même dans un autre pays, pas loin. Il y a des terrains partout dans le monde, proches d'eux, pour au moins donner la chance aux pays plus bas de classement de gagner des points. Même la Nouvelle-Zélande, ça leur a fait mal aussi, côté classement mondial, d'avoir eu des matchs nuls, parce que eux, c'est des matchs qu'ils remportent habituellement. Tout à coup, ils se retrouvent avec des matchs nuls. Oui, des matchs ne valaient rien pour le classement de la Coupe du monde, mais pour le classement mondial, il était important. D'ailleurs, la Nouvelle-Zélande était quatrième hier, avant sa victoire ce matin. Avant sa victoire cette nuit, il était redescendu au quatrième rang. Là, ils sont retrouvés au troisième rang, mais on a maintenant l'Angleterre et l'Afrique du Sud qui trônent au premier rang. Puis je vous le dis, là, si vous voulez écouter une bonne finale de rugby, ça va être meilleur une finale entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud que contre n'importe quelle autre équipe contre la Nouvelle-Zélande. OK, donc ça va être bon, autrement dit, demain. Ah oui, parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Invictus, mais l'Afrique du Sud est reconnue pour avoir une défensive solide. Mais là, cette année, ils ont un bon centre qui est parfait pour dégager, qui est actif, qui est toujours là partout. Vous allez voir, il y a les cheveux longs. Vous ne le manquerez pas, il est partout sur le terrain. Il est en arrière, il est en avant. C'est un gars donc qui offensivement a donné beaucoup de poids à l'Afrique du Sud, ce qui était pas leur force, ce qui était vraiment la défensive. Et l'Angleterre, qui était la force, une des forces offensives, sont devenues maintenant une force défensive. On l'a vu en demi-finale contre la Nouvelle-Zélande, qui a été littéralement stoppée, incapable de rien faire. La meilleure équipe mondiale, qui était littéralement bloquée par les Anglais, qui sont très difficiles à passer. Donc ça va faire un match qui va être au départ d'occupation de terrain, débotté, on s'en va sur l'autre terrain, on leur donne le ballon pour essayer de l'enlever. Et à la fin, probablement un match plus justement joué par les avants, c'est-à-dire le ballon porté, la force de la défense et la force des gros gars pour savoir lequel qui va être le plus fort. À mon avis, le gagnant devrait être celui qui va prendre le moins de pénalités. Oui, OK. Dis-moi, ça devrait être bon. Hey, les All Blacks, je connais rien que ça, moi, dans le rugby. Ouais. Ils ont été éliminés. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est une grosse surprise? Très grosse surprise. Quoique l'Angleterre reste une très bonne équipe, mais il faut le dire, la Coupe du monde est là depuis 1987 seulement. Ça a commencé en Nouvelle-Zélande. Eux, c'est leur sport national, mais là, depuis 1987, veut pas les autres équipes, l'Angleterre, l'Afrique du Sud, le Pays de Galles, que ce soit l'Irlande, l'Australie, même la France. La France, quoi, descend beaucoup, mais a déjà été une puissance mondiale. Ouais. Les équipes s'améliorent et commencent aussi à trouver comment fonctionner contre la Nouvelle-Zélande, quoi faire. Et veut pas, la façon ça fonctionne le rugby mondial, c'est que tu as beaucoup de joueurs de Nouvelle-Zélande. Il y en a qui jouent pour la France, il y en a qui jouent pour l'Australie, il y en a qui jouent pour l'Angleterre ou l'Afrique du Sud, tout dépendant où ils jouent, eux, leur rugby normal dans les saisons régulières. C'est pour ça qu'on voit des Makalapoutoutou dans l'équipe de France ou dans l'équipe des Pays de Galles. Tu te dis, voyons comment ça se fait qu'il est là. Mais c'est originaire de Nouvelle-Zélande, qui ne joue plus là-bas ou qui n'a pas été accepté dans son équipe, donc joue pour un autre. Mais ça reste des joueurs extraordinaires. Donc, les équipes sont de plus en plus, disons, compétitives face à la Nouvelle-Zélande. Puis on va voir de moins en moins le contrôle de la Nouvelle-Zélande au niveau du classement mondial. Donc, demain, c'est la grande finale. C'était le match de la médaille d'or ce matin. Médaille de bronze, c'est-à-dire, comment ça s'est passé? Je ne l'ai pas écouté encore, je vais te l'avouer, bien honnêtement, mais je ne m'attendais pas à autre chose que 147 pour la Nouvelle-Zélande, c'était à s'y attendre. Pays de Galles, quatrième mondial, mais ça reste un petit pays, puis ils avaient une poule qui était plus facile pour eux. Donc, contre la Nouvelle-Zélande, je savais qu'il n'y avait pas de calibre. Ça aurait vraiment pris une très, très mauvaise, mais vraiment là, quelque chose d'inattendu de la Nouvelle-Zélande pour perdre contre le Pays de Galles, quoi qu'on l'a vu contre l'Angleterre. Mais je pense qu'ils voulaient se reprendre cette fois-ci contre le Pays de Galles en disant non, on ne se pourra pas battre deux fois, certains. Je pense que leur rentrée au pays va être difficile au All Black parce qu'eux autres là-bas, c'est comme, disons, mettons, si le Canadien perdait la Coupe Stanley en finale de la Coupe Stanley. Le Canada, tu parles au bel Canada. Ou le Canada qui perd, je ne sais pas moi, ou le hockey aux Olympiques. Ouais. On va être déçus. Ben, eux autres, c'est aussi gros, c'est plus, même plus gros que ça parce que c'est leur sport national. C'est eux autres qui commencent à jouer à 4 ans là-bas dans les écoles. Puis ça joue pas au baseball, ça joue au rugby. Ben, ils connaissent ça. Mais comme je te dis, l'Afrique du Sud de plus en plus forte, l'Angleterre aussi, Pays de Galles va remonter, l'Irlande et l'Australie s'en viennent aussi. La France tente de se remonter parce qu'ils ont des joueurs assez âgés, mais il y a des jeunes dans le top 14 qui s'en viennent, des 17, 18 ans, 19 ans. D'après moi, là, le prochain mondiaux, les Français devraient être pas mal meilleurs que ça. OK. Ben Pat, très intéressant. Merci beaucoup. Demain, 4h45 sur les ondes de RDS. Merci beaucoup, Pat. Oui, on fait l'enregistrer. Puis d'après moi, j'espère qu'on va bientôt se reparler pour une équipe à Montréal. Parce que là, on a une équipe à Toronto dans une ligue qui ressemble un peu à la MLS. Ouais. J'ai bien hâte qu'on ait une à Montréal. Question que si on veut avoir une équipe au Canada un jour, ça va nous prendre une équipe à Montréal. Ouais. Montréal, c'est Montréal. C'est Montréal. Sauf qu'il y a plus de chances que ça marche à Montréal, étant donné qu'il y a des gens de partout dans le monde à Montréal. Donc, les amateurs de rugby, il y a une grosse délégation française, belge, australienne, qui reste à Montréal, qui aime le rugby. Donc, d'après moi, ça pourrait une équipe qui pourrait marcher à peu près comme l'Impact. Ouais, mais pas mal moins. Tu sais, c'est le soccer, le rugby, la NAL, qui est la Ligue nord-américaine de rugby, ça commence, là. Oui, ça commence, sauf que si tu regardes. Troisième année. T'sais, on regarde la MLS, le soccer. Quand on regarde à Montréal, les gens qui vont voir l'Impact, on dira ce qu'on voudra, c'est pas d'être raciste, mais il y a beaucoup de communautés minoritaires parce qu'ils aiment ces sports-là. Puis c'est en Europe les sports les plus populaires. Mais après le soccer, c'est le rugby qui est le plus populaire dans le monde. Ce qui fait qu'ici aussi, les gens, parce que quand on regarde le top 14 à TV5, il reçoit des messages de gens qui disent « Bon, ben salutations de tel endroit. » 90% des gens sont au Québec. Ah ouais? Okay. Ben oui, il y a des Français au Québec, il y a des Australiens, des Irlandais, des gens de Nouvelle-Zélande, de l'Afrique du Sud, du Tonga, de la puis c'est des pays qui, c'est un des sports les plus populaires après le soccer. Ce qui fait que je pense qu'on serait étonné du nombre de personnes qui vont aller au rugby s'il y en a à Montréal. OK. Ben, Pat Bouchard, très, très intéressant. On s'en reparle peut-être quand le rugby va se... l'actualité va arriver, du rugby va arriver. Québec, sinon, effectivement. Dans 4 ans. OK. Pat Bouchard, notre gars de CKG.